marche, à la blanche, à la poudreuse. Pour moi la vie ressemble à la mort. J'existe dans la nébuleuse, de cœur en cœur, en corps à corps. Ma vie de con, c'est le quotidien, 20 attitudes, radio ghetto. C'est le froid canard des crèves la faim, c'est le credo des alcoolos. La ligne blanche des déglingués, le tout baigné de certitude. Une souffrance atomisée, une blessure, une habitude. Votre cercueil est avancé, une petite trace et la dernière. Le grand voyage des mal-aimés, rempli de rêves et de chimères. Bonjour des déglingos, une bande d'indiens du macadam. Chacun pour soi défend ton os, un coup de surin et c'est le drame. L'acte barbare est consommé, tu as raté le dernier métro, celui des dingues et des paumés, y a pas de pitié pour les clodos. Bonjour des déglingos, une bande d'indiens du macadam. Chacun pour soi défend ton os, un coup de surin et c'est le drame. L'acte barbare est consommé, tu as raté le dernier métro, celui des dingues et des paumés, y a pas de pitié pour les clodos.